Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, dans une chaise longue, en randonnée, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, l'usage du fleuve, une série de Martine Abbat réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a le plaisir de marcher au bord de l'eau, ces après-midi où l'on va se baigner entre les cailloux chauffés par le soleil. Il y a cette joie de traverser un pont, de faire sonner ses pas et d'entendre sa voix répercuter sous les arches. Il y a aussi ces fleuves gris ou bruns, furieux, bouillonnants et gonflés, mais ça commence par un tout petit cours d'eau. Alors pour commencer, les personnages, des navigateurs à la perche, un écrivain du paysage, un géographe, Gustave Courbet et Laloux, un guetteur, un menuisier qui fait des barques, des pêcheurs d'anguilles et une femme à la barre. Ensuite le décor, un jeune fleuve, des affluents, des fleuves sauvages, l'or du Rhin, la Garonne, la Loire, une barque, des îles de pirates, des gourds, des vasques, des grenouilles, du pâté de cormorans et des centrales nucléaires. Aujourd'hui, premier épisode, on approche de l'eau. On dit que les princes venaient visiter les sources ou s'approchaient des sources pour apprendre les secrets de la nature. Ce qui passe devant nos yeux, là, c'est pas H2O, c'est H2O plus la vie. On a un horizon immense, immense. Donc c'est une rivière qui avait du style. J'espère qu'il va y avoir de la crue, puis on va y retourner. Mais là, je ne touche plus à rien. L'usage du fleuve. Je m'assois et je regarde. Le fleuve sauvage. Les rivières, et même les petites, sont des personnes. On pourrait ajouter qu'il y a des rivières enfants, qu'il y a des rivières adultes, qu'il y a des rivières, même des vieilles rivières. Mais chaque rivière est une individualité. On le sait aussi par le nom qu'elles ont reçu, puisqu'il n'y a pas de rivière anonyme. Même le dernier petit torrent, il a un nom, ou du moins un nom local. Jean-Christophe Bailly, écrivain. Et je m'étais amusé à repérer le nom de tous les affluents du Loir, sachant que le Loir est aussi une rivière, alors comme son nom l'indique d'ailleurs, d'une certaine manière très endormie. Il coule où ? Le Loir, bah, il part de vers chez Proust, là, enfin Combray, et puis il s'en va tranquillement, il passe vers l'ouest, il va à Vendôme, puis il continue tout doucement, il arrive chez Ronsard, et puis hop, il se jette après, je crois, du côté d'Angers. Et il fait quand même 300 km, mais il traîne, quoi, il traîne. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'en repérant le nom des affluents de la rive droite comme de la rive gauche, on obtient une espèce de poème en prose qui est un absolu de la langue, mais qui est aussi comme une langue presque devenue presque étrangère. Une espèce d'arrière-langue, comme ça. Un arrière-pays de la langue, dont les rivières seraient d'une certaine manière... La résurgence. Voilà, c'est ça, exactement. La Nest, le Serein, la Dour, la Restonica, Jody, Fumorbeau, Falron, Prunelle, Nivelle, Bravona, Rivière des Terres, Divaine, Ouert, Sinope, Blavet, Durzanaise, Léroux, Fimereux, Rance, Quénon, Aa, Scorf. La rivière apaise le paysage et elle crée un effet de parenthèse dans le temps et l'espace d'ailleurs. Alors, tout le monde se moque des pêcheurs à la ligne, etc. Les gens qui vont pêcher à la ligne les jours des élections, moi j'ai jamais trouvé que ce soit un crime. En tout cas, ils se mettent entre parenthèses voilà, le cours de l'histoire comme ça correspond absolument pas au cours des rivières et des fleuves. Le cours des rivières et des fleuves éloigne comme ça la brutalité du monde humain. Et ce temps dilaté, c'est en propre que nous donne chaque rivière, et c'est évidemment inutile de souligner à quel point c'est précieux dans un monde qui est aux mains des compresseurs de temps. Tout m'intéresse dans les fleuves. la façon dont circule l'eau, dont circulent les sédiments, le paysage des rives. Et puis quand je travaille sur un fleuve tropical, je rencontre là des fleuves qui ont gardé une véritable vie, non pas un retour au fleuve. Jean-Paul Bravard, géographe. C'est des gens qui vivent au bord du fleuve, donc ça c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, je trouve. Donc j'ai vu des choses formidables en Asie. Et d'observer ces fleuves-là, est-ce que ça vous aide à comprendre comment se comportaient nos fleuves ici, en Europe ? Le fonctionnement, si vous voulez, des rivières a des caractéristiques universelles. Mais en Asie du Sud-Est, par exemple, ou en Amérique latine, le résultat, c'est-à-dire les formes fluviales, sont vraiment différentes des formes tempérées. Mais on s'imagine que la vie le long de nos fleuves d'Europe a dû présenter des similitudes, ne serait-ce que parce que c'était des moyens de vie. Alors les techniques et la collecte des ressources différaient. Mais on cherchait l'or au bord du Rhin. On cherchait l'or au bord du Rhin comme on cherche l'or en Birmanie, dans l'Irrawaddy, le long du Mékong, voilà. L'histoire d'un ruisseau, même de celui qui naît et se perd dans la mousse, est l'histoire de l'infini. Ces gouttelettes qui scintillent ont traversé le granit, le calcaire et l'argile. Elles ont été neige sur la froide montagne, molécules de vapeur dans la nuée, blanche écume sur la crête des flots. Le soleil, dans sa course journalière, les a fait resplendir des reflets les plus éclatants. La pâle lumière de la lune les a vaguement irisées. La foudre en a fait de l'hydrogène et de l'oxygène. Puis d'un nouveau choc, a fait ruisseler en eau ces éléments primitifs. Tous les agents de l'atmosphère et de l'espace, toutes les forces cosmiques, ont travaillé de concert à modifier incessamment l'aspect et la position de la gouttelette imperceptible. Elle aussi est un monde, comme les astres énormes qui roulent dans les cieux. Et son orbite se développe de cycle en cycle, par un mouvement sans repos. On est dans un pays qui a de grandes façades par rapport à la mer et à l'océan. Sur la façade méditerranéenne, on a un grand fleuve, c'est le Rhône. Et il est exceptionnel parce qu'il coule dans une vallée étroite entre les Alpes à l'est et le massif central à l'ouest. Et le Jura même au nord-est. Donc on a un fleuve à forte pente, bien arrosé, rapide, puissant. C'était très gênant quand il s'agissait de la navigation, mais pour produire l'énergie, c'était un fleuve merveilleux. Voilà pourquoi il est si aménagé. Et puis pourquoi est-ce qu'on a mis là le parc le plus important sur le plan nucléaire ? C'est que l'eau est froide. Elle est froide parce qu'elle descend des Alpes. Donc on pouvait refroidir facilement les centrales nucléaires. Et puis c'est le plus grand fleuve se jetant dans la Méditerranée, entre le Nil qui ne coule plus rien à la mer. Donc la Méditerranée compte sur le Rhône. Si maintenant on regarde l'autre grande façade française, c'est la façade océanique. Et sur cette façade océanique, il y a trois grands cours d'eau qui sont du sud au nord la Garonne. Comme elle descend des Pyrénées, elle a des similitudes avec le Rhône. Simplement, vous savez qu'elle débouche dans l'océan Atlantique par un estuaire. Le Rhône, au contraire, a construit. C'est un énorme travailleur et c'est le seul delta français. La Loire, c'est un ton en dessous. Elle descend du massif central qui est très loin, à 1000 km, elle a ses sources. Donc elle descend du sable, transporte du sable, avec un écoulement calme. C'est une rivière, un fleuve policé, si vous voulez, bien élevé, le long duquel les princes n'ont pas eu peur de s'installer. Bon, c'était un fleuve riche, une vallée riche, le jardin de la France, bon, etc. Et tous les clichés. Et puis, quand on termine ce tour de cadran, on a le dernier fleuve océanique, pas une grande rivière, hein, c'est la Seine. Et la Seine, c'est 4 fois moins de débit que le Rhône. Hein. Mais quand même, et la Seine, alors, c'est une rivière de plaine et de plateau, beaucoup plus calme. Et, par le hasard de l'histoire, elle porte la capitale. Et deux grandes villes, comme Rouen et Le Havre. Donc c'est essentiellement un grand axe économique. Elle est barrée, elle est aménagée, elle est navigable avec des écluses. Donc c'est un fleuve qui est au service de la capitale et qui a perdu ses caractères naturels. Mais les peintres impressionnistes ont montré qu'elle n'avait pas perdu sa beauté. Alors je n'ai pas parlé du Rhin, qui n'est qu'en partie français. Il traverse le massif schisterrénan, il est allemand, et c'est là où lieu la symbolique allemande, et puis il rentre aux Pays-Bas. C'est un fleuve très international. Le Rhône, ça va, on s'entend à peu près avec les Suisses, quoi. On peut s'en sortir. Mais le Rhin, c'est très compliqué. Et toute l'histoire du Rhin, c'est l'histoire de rivalité. Allez-y, montez, installez-vous. On peut vous mettre la dernière planche, là-bas. La rivière, elle a cette... C'est des êtres philosophiques complets, puisque pour le temps, elles sont à la fois toujours là et toujours en train de s'en aller. Elles sont mobiles et immobiles, éternelles et passagères, furtives et permanentes. C'est incroyable. Et puis d'autre part, dans le même geste, elle relie, en descendant de l'amont vers l'aval, elle relie et elle sépare. On sent la canne dans les remous, là. C'est un beau coin de pêche. Là, pour aller au carnassier le soir, à la tombée de la nuit, c'est un petit coin idéal. Les pauvres innocentes peuvent devenir frontières. Parce que, bon, quand on dit le Rhin qui fait frontière, il est assez efficace quand même. Il est large. Et puis, je m'étais intéressé à la Seille, donc la Seille-Lorraine. Cette rivière a été utilisée entre 1871 et 1918, donc comme frontière entre la France et la Prusse. Et elle est toute petite. Je ne sais pas, elle fait 7, 8, 10 mètres de large à tout casser. Et elle est charmante. On jette une pierre, même pas, on lance un bâton, il arrive en Prusse. Donc la Prusse était à portée de pierre. Et c'est fou de penser ça. C'est le même pays au sens non national, géographique, et que ça ait pu avoir ce rôle, ce pouvoir de division qu'on lui a attribué. C'est une vieille coquille de noix. On l'a récupérée, elle était coulée, et puis on a fait en sorte qu'elle reflotte, et on s'amuse avec ça l'été. Toutes les planches, elles se décollaient, on les a revissées, et puis on... Il y a un trou en dessous, là, on a juste une planche de quoi qui flotte, et puis avec le minimum, une grande perche en bois, et puis voilà, on arrive à se déplacer avec ça. C'est zéro émission de CO2, là. Et en principe, vous allez jusqu'où? On reste dans le secteur, là. Puis autrement, on monte beaucoup plus haut, vers Dampierre. Ou sinon, il y a une île un petit peu plus haut, on se pose sur l'île, là. Pas loin de la ville, on regarde les oiseaux, regarde les poissons, regarde juste un fond d'aquarium. On se déplace d'un mètre, on voit un autre aquarium. Vous, Tony, vous êtes né ici, à ce mur ? Ouais, je suis né entre les ponts ici, là, rue Val des Crousseaux, et après j'ai habité Quai Maillot, 11. Maintenant, j'habite plus, j'habite au quartier. Dès qu'il fait beau, on descend, on se détend un peu ici. Nous, on boit une petite bière au milieu de la Loire. Avec un bon copain, on discute et puis on se baigne, profite de la nature. Ouais. On met le barbecue aussi dans le bateau. Et vous grillez les poissons que vous venez de pêcher? Ouais, autrement la viande du Super U. Chez les cours pour aller avec mon père dans la barque. Si je le voyais au milieu de la Loire, je traversais la nage pour aller dans la barque, chez les cours. Mais j'ai brûlé tous mes bulletins, alors il n'y a plus de preuves. J'ai du plaisir à soulever les pierres, à regarder les bêtes qu'il y avait en dessous, prendre le poisson, les vendre au petit vieux de mon quartier. Je me faisais mon argent de poche, quoi. Ça marchait bien, le business? Ouais, ça marchait bien. Ouais. Ah, l'été, ça marchait bien. C'est nous les pirates. Vous allez jusqu'à l'île aux pirates qui est là-bas? Ouais. Quand j'étais petit, je l'appelais Tahiti. Parce que, je sais plus, j'avais trouvé une bouteille de Tahiti douche. Quelle est la portion du fleuve que vous connaissez? De la centrale de Chinon jusqu'à Angers quasiment. On pensait même d'ailleurs avec Alex à faire une descente de Saumur ou plus haut jusqu'à Saint-Nazaire, comme ça, quoi, avec le minimum. On devait faire ça cet été, mais Bah, du coup, on devait courir après l'argent, alors ça, ça s'est pas fait. Juste avec la perche, comme ça. Ouais. Aller voir la mer. Non, même pas. Regarde le réseau hydrographique français, c'est extrêmement frappant, les orientations des grands bassins versants en tout cas. Ils vont vers le sud, avec le Rhône par exemple, vers le nord, la Moselle, la Meuse, et globalement plutôt vers l'ouest, avec le bassin de la Seine, le bassin de la Loire, le bassin de la Garonne. Ce qui fait que la France, qui est géographiquement une position un peu étrange, puisque c'est une clé qui tient des péninsules et qui est éminemment traversable, mais qui en même temps ne s'oriente pas, ne regarde pas vers l'Est, ne regarde pas vers le continent dont elle est l'extrémité. Dans la physique du territoire, la France regarde à l'Ouest. Ça dit beaucoup de choses. Et je pense que c'est d'ailleurs assez significatif que la plus grande quantité de sens vienne du mouvement, de la direction de la rivière, plutôt que de son ancrage avec la source ou je ne sais quoi. La rivière fabrique le territoire, mais n'est pas territoriale. Ça, c'est assez extraordinaire. Est-ce que les cartes de géographie, c'est quelque chose que vous aimez ouvrir ? C'est, je dirais pas une passion, mais j'y recours constamment, d'une part pour des raisons pratiques, mais aussi comme ça, pour rêver, rêvasser. Et évidemment, je suis hostile au GPS. Ce ne sont pas des cartes, ça ne donne pas une image du territoire. Ça facilite un trajet. Un territoire, c'est pas un trajet, c'est la possibilité de tous les trajets. Mais le chemin qu'indique, d'une certaine manière, la rivière, ça crée une extraordinaire lisibilité du territoire. Parce que la rivière, elle est forcément en intelligence avec le territoire, puisqu'elle l'a fabriqué, d'une certaine manière. La vallée, c'est la résultante de siècles et de siècles et de siècles et de siècles de travail de la rivière. Elle est dans son lit et elle continue de faire son lit. Elle fait son lit continuellement. Ça, c'est le cours principal, c'est l'Ariège qui est encore très torrentueuse ici, à ce niveau, puisqu'on est juste au déboulé des montagnes. Henri Delrieux, de l'association Le Chabot dans l'Ariège. On est à Ussat-les-Bains, on est au-dessus d'Ussat-les-Bains. Et donc, par rapport au cours d'eau principal, on a toute une série de tout petits cours d'eau qui viennent alimenter le cours d'eau principal. C'est ça, le chevelu. Hein, le chevelu, c'est tous ces petits cours d'eau qui constituent, qui se rassemblent et qui constituent les cours d'eau. Et c'est la tête bassin versant, c'est-à-dire la prunelle de nos yeux. C'est l'endroit où, normalement, on devrait avoir l'eau d'une qualité exceptionnelle, puisque c'est le rassemblement des eaux de pluie, c'est l'exutoire de certaines nappes profondes qui sortent sous forme de source. C'est là que va se passer tout ce qui va nous permettre d'avoir de l'eau de qualité en aval. Et c'est ça qui forme les solidarités de bassin versant. Ceux qui sont en amont reçoivent de l'eau de qualité et doivent la transmettre en aval d'aussi bonne qualité que ce qu'on a reçu. Et donc, aujourd'hui, le chevelu est remis en cause. Et quand vous regardez cette carte, il y a deux couleurs. Il y a du chevelu qui est porté en bleu et d'autres qui est porté en rouge. Tout ce qui est en rouge, c'est ce qui est censé pouvoir disparaître. Remis en cause. Dans la nouvelle cartographie. Dans la nouvelle cartographie. C'est-à-dire qu'on est en train de refaire la cartographie hydrologique de la France sans géographe, sans cartographe, sans hydrologue. C'est uniquement les politiques et finalement des lobbies qui font pression pour refaire cette cartographie. C'est ça qui est assez spectaculaire. C'est que si on fait le total, le cumul du linéaire de tous ces petits cours d'eau menacés, ceux qui sont en rouge, eh bien ça représente 9,5 km sur ce bassin versant. Juste ici, là. Juste là. Dans cette petite zone. Juste là, dans cette petite zone. Et 9,5 km, ça ne parle pas en soi. Mais si je vous dis que les cours d'eau principaux, les drains principaux, font 8 km, ça veut dire qu'on a en fait plus de la moitié du réseau hydrographique qui peut disparaître. C'est-à-dire qu'on a une multitude de petits cours d'eau qui sont en rouge et qui sont censés s'ils ne sont pas défendus, qui sont censés disparaître. C'est-à-dire qu'on n'appellera plus cours d'eau. On les appellera plus cours d'eau. Ça reste des cours d'eau, hein. Oui. Mais on ne les appellera plus officiellement cours d'eau, c'est-à-dire qu'ils ne bénéficieront plus des protections de la loi sur l'eau. C'est ça le problème. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a toute une batterie de textes, de mesures qui se sont mises en place, d'ailleurs sous la pression européenne, hein, faut le dire honnêtement. Hein, c'est l'Europe qui a amené ses États membres à dire, eh bien voilà, on doit préserver les cours d'eau, on doit atteindre l'objectif du bon état écologique des cours d'eau dans notre pays. Ça devait être 2015, ça maintenant c'est repoussé 2015, à 2022. C'est 2022, puis c'est, avec une possibilité de rattrapage encore en 2027, et puis plus tard sera les pénalités. Et là, les pénalités, c'est nous tous qui allons les payer. Donc l'objectif, c'est d'atteindre le bon état écologique des eaux pour laisser aux générations futures des cours d'eau en bon état. Et ça, pour ça, eh bien, le législateur il a mis des boîtes à outils. Par exemple, le respect de bandes enherbées de proximité près des cours d'eau. C'est 5 mètres, je crois. C'est 5 mètres, et puis c'est très insuffisant. Parce que donc, sur une bande de 5 mètres de part et d'autre des cours d'eau, l'agriculteur ne peut pas déverser de pesticides, d'herbicides, pour ne pas tout à fait polluer le cours d'eau. Et là, effectivement, ça a suscité des réactions très très fortes, hein, dans les professions, notamment les professions agricoles, mais ce n'est pas les seules. Hein. On est aussi co-responsables de cette situation. Vous êtes peut-être jardinière, moi je suis jardinier, j'ai utilisé pendant très longtemps des produits à base de glyphosate par exemple. Hein. Donc aujourd'hui on sait, on ne peut plus dire qu'on ne sait plus. Donc forcément on doit changer nos comportements. Et en changeant nos comportements, eh bien, à un moment donné, effectivement, ça a heurté notamment les grands professionnels qui travaillent sur des surfaces considérables. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, ils ont ressenti très mal les contrôles qui étaient exercés notamment par les agents de l'État. Eh bien, la profession agricole, notamment la FNSEA, hein, qui est quand même très puissante dans la profession agricole, eh bien, elle a demandé à ce qu'il y ait un allègement des contrôles. Pour avoir un allègement des contrôles, il y avait deux solutions. Ou bien on refait la loi, mais là, on se heurte à une des grosses difficultés, c'est qu'on se met en contradiction avec les textes européens, et donc ça, c'était pas possible. Ou bien alors, il y a une autre solution, c'est de dire, eh bien voilà, hein, pour pas appliquer la loi sur l'eau, ben, on fait disparaître l'eau. Et donc, c'est la solution qui a été choisie, de dire, ben, on va refaire la cartographie. Voilà. On va dire, ça, c'est un cours d'eau, là, la loi sur l'eau s'applique, ça, c'est plus un cours d'eau, la loi ne s'applique pas. Alors, bien entendu, ça ne pouvait pas être les drains principaux. Parce que ça, c'est trop gros. Hein, quand on regarde même l'Ariège comme elle est à côté, qui nous passe à côté là, elle est torrentueuse, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas un cours d'eau. Donc on est allé voir les endroits qui étaient gênants, parce que c'est un tissu excessivement dense et riche. On est allé remettre en cause le chevelu. Tous ces petits cours d'eau qui se rassemblent, ces tous ces fonds de vallée. Ces petites rigoles, parfois. Voilà, ça peut paraître anodin, hein. Ça peut même s'assécher dans l'année. Mais en même temps, ce sont des milieux qui sont excessivement riches parce qu'ils sont sur des lieux excessivement divers. On peut très bien en avoir dans des zones de piémont, dans des zones de plaine, dans des zones de haute montagne, des sorties de tourbières, des sorties de zones humides. Des résurgences. De nappes phréatiques. Mmh. Donc voilà, ce sont des milieux qui sont excessivement variés. La variété de ces milieux fait qu'ils donnent naissance à des biotopes qui sont particuliers, différenciés les uns des autres. On n'a pas les mêmes sols, c'est pas la même acidité, c'est pas les mêmes roches, c'est pas les mêmes cailloux, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même environnement. Donc ça donne une richesse et une biodiversité excessivement variée, riche, et on sait aujourd'hui que l'homme, s'il se prive de la biodiversité, eh bien il n'aura plus sa place. La source, l'endroit où le filet d'eau caché jusque-là se montre soudain. Voilà le lieu charmant vers lequel on se sent invinciblement attiré. Que la fontaine semble dormir dans une prairie comme une simple flaque entre les joncs, qu'elle bouillonne dans le sable en jonglant avec les paillettes de quartz ou de mica, qui montent, descendent et rebondissent en un tourbillon sans fin, qu'elle jaillisse modestement entre deux pierres, à l'ombre discrète des grands arbres, ou bien qu'elle s'élève avec bruit d'une fissure de la roche. Comment ne pas se sentir fasciné par cette eau qui vient d'échapper à l'obscurité et reflète si gaiement la lumière? En jouissant nous-mêmes du tableau ravissant de la source, il nous est facile de comprendre pourquoi les Arabes, les Espagnols, les montagnards pyrénéens et tant d'autres hommes de toute race et de tout climat ont vu dans les fontaines des yeux par lesquels les êtres enfermés dans les roches ténébreuses viennent un moment contempler l'espace et la verdure. Alors, dans cette petite carte que vous m'avez montrée, avec tous ces cours d'eau menacés, donc qu'on n'appellerait plus cours d'eau, qu'on ne considérerait plus comme des cours d'eau, qui les a mis en rouge? Qui décide qu'un cours d'eau est un cours d'eau? Sur quels critères? C'est là toute l'ambiguïté. Ça a été fait au niveau de chaque département, qui est chargé justement de revoir la cartographie des cours d'eau. On n'a pas le même régime partout en France. Ça, c'est le préfet qui a fait ça, par exemple? Alors, ce sont les services de l'État, oui. Les services du préfet d'Ariège, qui ont décidé que ce serait cette voie-là qui serait prise dans notre département. On travaillerait comme ça. D'autres départements n'ont pas travaillé comme ça. Ils ont d'emblée dit, écoutez, on a quelque chose qui est très bien, ce sont les cartes au 25 millième, ou un 25 millième, qui ont établi des géographes pendant des générations. Il y a 250 ans de travail de géographes de terrain. Donc, ces gens-là, ils ont dû bien travailler quand même. Même si il y a un changement climatique, même si effectivement, de temps en temps, il y a une virgule qui est à modifier, modifions la virgule, mais gardons le principe de base de la carte hygiène comme travail de recensement initial. Ça, donc, c'est plus favorable. C'était nettement plus favorable. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a proposé dans notre département. Hein. Ça n'a pas été retenu. Ça n'a pas été retenu parce qu'il y a des endroits où les lobbies sont plus forts qu'ailleurs. Le lobby ici, c'est le lobby... Alors nous, on en a plusieurs. Dans la basse plaine, on a effectivement la grande plaine de maïsiculture principalement. Hein. Donc l'agriculture intensive, productiviste. Puis quand on rentre dans le Piémont, on est plutôt sur des intérêts qui sont plutôt de l'élevage, on va dire. Et puis dès qu'on est rentré dans la zone de montagne, alors là, on est dans le royaume de l'hydroélectricité. Il n'y a pas que l'opérateur historique EDF, hein. Il y a aussi tout un tas de privés qui sont sur une multitude de tout petits cours d'eau qui les captent, qui les entonnent et qui font de l'hydroélectricité avec. Des microcentrales qui appartiennent à des privés qui après revendent l'électricité. Et qui après revendent l'électricité sur le réseau. Alors est-ce que parmi tout cela, il y en a un en particulier qui vous est cher et qui est destiné à peut-être disparaître? Je ne peux pas dire que j'ai privilégié un cours d'eau plus qu'un autre. Mais c'est vrai qu'on a quelques cours d'eau comme ça, sur les bords de l'Erse, avec un ruisseau qui porte un joli nom, le ruisseau de Paradis, par exemple, que nous n'avons pas pu réussir à faire classer, qui aujourd'hui est déclassé. Alors qu'il porte un nom, c'est le ruisseau de Paradis, alors qu'il a un régime atypique, certes, mais il en reste pas moins que son cours est bien marqué, avec des gourgues, des vasques, il a de la richesse biologique quand il est en eau, il a son importance au niveau de la reproduction des batraciens par exemple, mais c'est un cours d'eau qu'on n'a pas pu faire classer. Alors si on dit, par exemple, évidemment, un rapport entre un peintre et une rivière, évidemment, pour moi, l'exemple absolument immédiat, c'est Courbet, quand même. Jean-Christophe Bailly. Avec cette petite loue. Écrivain. Qui n'est pas une rivière très très longue, mais qui est une rivière qui est extraordinaire par la forme de son surgissement, qui est évidemment ce qui l'a le plus captivé, même s'il n'a pas peint que la source. Il le dit lui-même dans sa correspondance. Allez-y, vous verrez, c'est mon tableau. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'effet de surgissement est complet puisqu'elle sort vraiment d'un trou noir, quoi. Elle vient des entrailles de la terre et elle arrive comme ça, blanche, écumante, transparente. Ben, il y a quelque chose de magique comme dans toute source, mais disons que là, c'est très très fortement incarné. Mais une des raisons pour lesquelles la loue est si spectaculaire, c'est parce que c'est pas vraiment une source. En fait, c'est la résurgence d'eau qui vient du Doubs ou une partie des eaux du Doubs passe directement dans le sous-sol et au bout d'un certain nombre, un assez grand nombre de kilomètres, elles ressortent par des circulations souterraines extrêmement complexes, évidemment, dans ces zones karstiques. Elles sortent là où il y a les sources de la Loue. Et ce qui est amusant, c'est la manière dont on s'en est rendu compte. Vers, je ne sais plus exactement la date, mais disons autour de 1900, il y a eu un grand incendie à Pontarlier dans une usine qui faisait du pastis. Et en fait, tous les poissons et les de la Loue, le lendemain, étaient ivres morts, c'était mort en fait, mais saoulés au pastis. Mais le paysage, ce n'est pas uniquement ce qui est exceptionnel. Le paysage, c'est aussi Jean-Paul Bravard, des géographe. Centaines de kilomètres de bras morts tout le long du fleuve, complexité extraordinaire. J'ai eu la chance de travailler sur le secteur du Haut-Rhône, qui s'appelle la Chautagne, avant qu'il soit aménagé, juste avant qu'il soit aménagé. C'était très impressionnant. Sur le Haut-Rhône, moi, je n'ai pas connu la phase la plus naturelle de ce secteur, 19e siècle. Mais il faut imaginer qu'au 19e siècle, la largeur du fleuve était de 3 km. 3. Si on prend en compte une dizaine de chenaux vivants, les îles et la forêt qui s'est trouvée dessus. Ça a complètement changé. Mais je crois que, étant donné qu'il n'y a plus beaucoup de gens pour s'en rappeler, on pourrait dire que la perte s'atténue avec la perte de mémoire ou l'absence de mémoire. Donc peut-être qu'il revient à l'historien, à géographe, de dire « bon, ça n'a pas toujours été comme ça ». Mais là, se pose le problème de la nostalgie. Je crois qu'on n'a pas intérêt à être trop nostalgique dans le monde qui est le monde actuel. Il vaut mieux pas. Quand on dit que la Loire, en France, est le dernier fleuve sauvage, oui. Est-ce qu'on a raison de dire ça ? On a tort si on considère qu'elle n'a pas été aménagée. La Loire était le premier grand fleuve aménagé en France. Avec des levées, au Moyen-Âge. 12e, c'était les 12e siècle. Les Plantagenets qui avaient commencé à faire construire les levées, c'est-à-dire la levée protège contre la crue. Hein, c'est une sorte de digue en terre qui protège la plaine des débordements. Et puis après, ce système de levée a été complété par des digues internes, des différents types de digues, pour resserrer le chenal en basses eaux et permettre aux bateaux venant de Nantes de remonter jusqu'à Orléans, grâce au vent d'ouest d'ailleurs, qui poussait les voiles, enfin les poussait les bateaux. Et là, les marchandises étaient transférées vers Paris. Donc la Loire n'est pas naturelle. Mais elle a été oubliée, abandonnée. Et la Loire s'est ensauvagée, je dirais plutôt. Elle n'est pas sauvage, s'est ensauvagée. La forêt a poussé et on a localement de très beaux paysages, mais historiquement, ils sont nouveaux. Si vous voulez, sur la Loire, si on n'a pas l'œil qui repère les digues, qui repère les points durs, c'est vrai que le promeneur, entre guillemets, innocent, va la trouver naturelle, assez naturelle, ouais, c'est vrai, même s'il ne l'est pas vraiment. Je pense que c'est ce bordel-là. Des coups de carabine, des trucs. On va prendre du plomb dans l'aile. Peut-être qu'ils sont au cormoran, mais Clotaire, il y serait. Pourquoi ils vous chassaient le cormoran ici ? Oui, ils chassent. Mais ça se mange ? C'est un gibier qui est grand. Il y en a qui en mangent, ils font même du pâté de ça. Du pâté, oui, et puis un peu de rillette. Et puis ça sent. Ça sent fort le marécage. Moi, j'en mangerai pas, croyez-moi. C'est quoi votre prénom ? Alain. Et donc, vous habitez juste là ? Juste au-dessus, là, dans le virage. Au bord de la Loire. De la Loire. Qu'est-ce qu'on entend, là ? Ça, c'est des cormorans. Puis, il y a une grenouille, tiens. Et donc, tous les matins, vous venez ? Pas beaucoup, puisque le bateau, vous voyez, il est sec. Alors, je ne vais pas être toujours en train de monter et descendre. Hein. Autrement, je viens quand c'est l'histoire des portes que vous voyez derrière. C'est quoi l'histoire des portes ? Ben, c'est-à-dire que quand la Loire elle monte, ça refoule l'envalée, puis moi, il faut que je ferme les portes. Alors là, je suis obligé de venir au moins 3-4 fois dans la journée. Hein. L'eau, elle peut monter jusqu'à Mont-de-Jean. Elle inonde toutes les prairies. Et puis, de l'autre côté, vous avez des maisons le long de la levée. Alors, pour ne pas être inondé, il faut que les portes soient fermées. Et ça arrive souvent que vous ayez à les fermer ? Ça peut faire 10 fois, 20 fois dans l'année, mais comme la Loire est toujours basse, Alors, automatiquement, les portes, on les ferme pas. C'est des portes en métal ? Ah oui. On les a démontées il n'y a pas si longtemps que ça. C'est l'année dernière, il y a 2 ans. Elles font 2 tonnes de choc. Et avant, je les fermais avec le bateau. C'est pour ça que le bateau, il servait. Mais là, présent, on a un escalier à droite. Et puis, je monte et puis je les ferme comme ça. Vous, vous faisiez quoi dans la vie ? Menuisier. J'ai fait du meuble, des cercueils, et puis après, je me suis mis aux fenêtres et les portes. Vous fabriquiez des barques ? J'en ai fait, c'est moi qui les faisais, celle-là, c'est moi qui l'ai fait aussi. Là, vous voyez. Pourquoi vous n'en servez plus ? Vous voyez ce que c'est ? Il n'y a plus de pêche, il n'y a plus rien. Alors, c'est ça qui est le problème, hein. Parce que, avec cette histoire-là, ils nous ont supprimé les droits de pêche. Quelle histoire ? Le gouvernement, on avait des licences dans la vallée pour pêcher, les anguilles et tout, mais il n'y a plus le droit de rien. C'est pour protéger la nature, ressource. Oui, voilà. Mais les professionnels, eux, ils pêchent bien les grosses anguilles en débalaison, hein. Il n'y a qu'eux qui ont le droit de pêcher. Oui, il n'y a qu'eux qui ont le droit de pêcher, oui. Parce qu'on y était tous les jours à la pêche. On vivotait un petit peu du poisson, il était bradé. Hein. Ah, vous le vendiez ? On avait le droit. On avait le droit, à présent, vous n'avez plus le droit de vente. Il n'y a plus rien. Donc ça vous apportait un petit revenu ? Ça redonnait un revenu. Toute la vallée de la Loire. Alors la vallée de la Loire, c'était le poisson, la chasse. Les asperges dans les vallées, les artichauts, tout, les gens ils vivaient que de ça, c'est tout. Hein. Mais dans le temps, on chassait presque tous les jours. Ah oui. Mais dans le temps, on trouvait 100, 200 pièces dans l'année, ou 300 pièces. Et puis l'année dernière, j'y étais, j'ai trouvé une sarcelle et puis des ragondins. J'ai tiré 13 cartouches, et puis avant, il fallait 1500 cartouches dans l'année. Et puis là, cette année, j'en comprends tirer un coup de fusil. Différents les villes et les villages qui n'ont pas de rivière, ou du moins qui n'ont pas un rapport significatif à une rivière qui les longe ou qui les traverse. Et spontanément, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai toujours tendance à ressentir l'absence de rivière comme un manque, quoi. Elle est parfois menaçante, mais dans l'ensemble, si on faisait statistiquement sur l'année ou sur la longueur d'une vie humaine, la rivière, elle est plutôt une protectrice quand même. Elle parraine la ville. Et ce que ça a de formidable, une rivière, c'est que elle est là, elle est toujours là, mais elle est toujours là en train de s'en aller. Elle est toujours en train de s'en aller. Et même des fleuves qui sont très changeants, comme celui que je fréquentais quand j'étais petit, quand j'allais chez ma grand-mère, c'est-à-dire la Loire. La Loire, elle change énormément de forme, avec les bancs de sable qui bougent, des endroits où il y a des sables mouvants, des zones de courant très fort qui creusent, etc. Je n'y vais plus comme j'y allais étant petit, mais il m'arrive de repasser par là-bas. Et c'est elle. Elle est quand même là même. Et ce qui est beau, c'est que c'est pas seulement sa personnalité liquide, on peut dire, c'est ce que cette présence, cette forme d'eau qui descend, fait à la lumière ou dans la lumière. Il y a une lumière Loire qui est vraiment pas du tout une légende. À Nevers, à Orléans, bien sûr, mais déjà vers Roanne, on la reconnaît. Il y a une clarté qui vient. Il y a du bleu, il y a des verts très sombres, il y a presque des bruns, il y a des ocres, il y a de tout. Et j'aime beaucoup, entre autres, Saint-Nazaire, parce que c'est le lieu où cette lumière se dilue dans celle de l'océan. Là, on peut être entre potes et puis rien se dire pendant une heure. juste regarder un peu à droite à gauche, profiter de la lumière du soleil, de la chaleur, puis du bruit du vent. Là, le temps, il passe pas pareil. Il passe moins vite ou il passe plus vite ? Il passe meilleur. Il passe mieux. Il passe mieux. Bon, pendant une période, j'habitais plus là. Moi, je faisais des déplacements un peu dans toute la France pour les centrales nucléaires. Et moi, j'ai arrêté. Je les ai quasiment toutes faites. Ouais. Pendant combien de temps vous l'avez fait ? Pendant 8 ans. Vous faisiez quoi ? Mécanicien robinetier. Ça consiste en quoi ? Bah, réparer tout ce qui est robinet, soupape de sécurité de la centrale nucléaire, partout, jusqu'en zone contaminée. C'est un autre monde, quoi. Vous avez été irradié ? Ouais, une fois, ouais. C'était à Civaux, pas loin de Poitiers. Bon, ça n'a pas été reconnu. Et vous gagnez bien votre vie ? Ouais. Ouais. Mais bon, après, on est dans une caravane ou dans un gîte avec plein de gens. Puis il n'y a que le boulot, quoi. Boulot, boulot, boulot. On est loin de chez nous. Ça gagne bien, mais c'est peu cher payé par rapport au risque. Donc à un moment, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, j'ai pété un plomb, je me suis cassé. J'ai tous envoyé se faire enculer avec leur boulot de merde. Et puis, je suis rentré chez moi. J'ai bien gagné ma vie et puis j'étais pas heureux pour autant avec l'argent, quoi. Alors que quand j'étais petit, juste à jouer avec un bout de bois au bord de la Loire, j'étais heureux. Et puis bah, même encore, ça me rend encore heureux, quoi. Bordeaux, la maison Larieux, au numéro 51 de la rue Sainte-Colombe, entre la Grande Cloche et le cours d'Alsace et Lorraine. Il s'agit d'une fabrique de filets, de nasses, et plus généralement de tout ce qui sert ou peut servir à attraper des animaux vivants ou à les faire venir, les faire approcher. Par conséquent, un ensemble exubérant d'objets ayant à voir avec la chasse et la pêche. Donc des objets qui a priori ne sont pas sympathiques, puisqu'ils sont des résultats directs de la volonté humaine de maîtrise et de domination. Oui, mais voilà. Ce qui s'impose et saute aux yeux, dès la rue, dès cette rue du vieux Bordeaux, c'est une science infusée du paysage. À peau imitant la grive, la caille ou le sanglier, filet à papillon, cordage, épuisette et autres outils pour la pêche à pied. Mais surtout filets et nasses de toutes tailles et de toutes sortes. À grande ou à petite maille, extensibles, souples, articulés. Du côté des filets, les tramailles, les araignées, les sennes, les carrelets et les éperviers. Et du côté des nasses, toutes sortes de variantes adaptées à telle ou telle espèce. On n'attrape pas les anguilles comme les lamproies ou les sèches. Et surtout les verveux, qui sont des nasses articulées de plusieurs mètres de longueur. T'as toujours tes ronds le matin ? Le récit des filets, des nasses et des verveux est avant tout celui d'un infini de la structure, où la répétition des mailles vient écrire dans l'espace des formes, qui sont comme des tentatives, à partir des solides, d'imiter les fluides. Une mare comme ça, là, en début d'été, peut y avoir 30-40 hérons qui viennent. Et en l'espace de 2 ou 3 jours, ils mangent tout. Là, ils se mettent sous le bateau, non ? Ils se protègent. Bah, oui, mais c'est un peu bête, les poissons. Au début, ils se mettent sous le bateau, puis à un moment, ils sortent puis ils se font bouffer. Quoi. Et là, bah, je Philippe Cronier, tape dans les mains comme ça. Là, pêcheur. Et les hérons, ils n'aiment pas ça, donc ils partent. Quoi. Alors les poissons, des petits poissons comme ça, c'est directement, commercialement, ça a très peu d'intérêt, mais c'est les futurs casse-croûtes des cendres et des brochets de Loire. Il faut les bichonner. C'est de ça que je vis. Donc vous vivez avec la lauze et l'anguille. On vit avec la lauze, l'anguille. Moi, je suis à 80-90% dans le pro. Quoi. Alors l'impro, c'est un migrateur. C'est un migrateur comme la lauze et le saumon. Alors normalement, d'habitude, ce poisson-là, on commençait à le pêcher... Moi, je commençais à le pêcher 15 janvier. Puis petit à petit, on a fait début janvier, puis mi-décembre. Et la dernière, j'ai mis début décembre, puis ça continue comme ça, je vais mettre 15 novembre. Quoi. Non, alors, mais parce qu'il n'y a presque pas de poissons à cette époque-là. Donc à la fin, on finit par, question de sous, de mettre les engins le plus tôt possible. Quoi. Et il y a aussi une autre raison essentielle, c'est que dans le temps, la pêche à l'amproie, au niveau où on est là, étaient faites avec des nasses à l'emploi. Elles étaient en quoi ? Elles étaient fabriquées en osier. Et les nasses à l'emploi, c'est des engins semi-circulaires qui font presque un mètre de diamètre. Quoi. Et puis en hauteur, ça fait 1m80, 1m90 de haut. Quoi. Et ces nasses-là, c'est assez incroyable. C'est apparu, on ne sait pas trop comment. Et il y avait sur la Loire que 3 familles qui étaient capables de les fabriquer. Et pour fabriquer les nasses à l'emploi, ça nécessitait 24 heures de travail. S'il fallait 3 jours pour fabriquer une nasse, si vous voulez en mettre 20 en l'eau, ça fait déjà 60 jours de boulot. Quoi. Pendant 2 mois et demi, vous n'êtes pas à la pêche. Donc vous en mettez qu'une vingtaine dans l'eau. Et ben maintenant, avec des nasses en plastique, il y a des pêcheries, on peut en mettre 50, suivant les droits de pêche. Hein. 50, 60, 70, 80. Quoi. Et alors, du coup, on s'est mis à produire plus de l'emploi. Le marché n'a pas du tout augmenté. Je vends mes poissons maintenant 3 fois moins cher qu'il y a 20 ans. Quoi. Vous gagnez combien avec votre pêche ? L'équivalent d'un smig. Faut pas compter plus. Quoi. Pourquoi est-ce que c'est particulièrement les lamproies qui vont aller se mettre dans ces nasses ? Ben, c'est un peu le miracle des anciens qui ont fabriqué ces nasses-là. Quoi. Parce que elles ne pêchent que des lamproies. Les saumons naissent assez haut dans la montagne, dans les torrents. De l'œuf vient un alevin, puis de l'alevin vient un petit poisson. Et au fur et à mesure de sa croissance, il va descendre la rivière par palier. Chaque palier va correspondre à un stade de sa croissance et va être relié à un type de nourriture. Ça met du temps, ça prend très longtemps. Il finit par descendre, et ce qui est extraordinaire, il descend jusqu'à l'embouchure. Et lui, donc, qui est poisson d'eau douce, il devient un poisson d'eau salée. Mais peu à peu, il a fait son apprentissage. Et là, pour les saumons nés dans les Hautes-Pyrénées, là, ils vont jusqu'à la Garonne qui devient Gironde, et puis, tranquillement, ils traversent l'océan quand même. Là, oui, ils vont au Bahamas, au Mara, par là. Au bout d'un moment, ils reviennent. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'ils ne reviennent pas comme ça, mais ils reviennent. Pour un jeune saumon né au-dessus de... Dans les Pyrénées, disons, dans les Hautes-Pyrénées, non seulement il repasse par la Gironde, mais il remonte la Garonne, puis après il prend un affluent, et puis il va mourir exactement là où il est né. Bonjour, monsieur. Tout va bien ? Attendez, je vous reçois. Comme si serre le bras. J'aurais pu m'essuyer les mains, oui. Bonjour. Vous êtes occupé ? Bienvenue. On récolte toujours un peu. Je récolte toujours des filets. Quand c'est pas les filets de pêche, c'est les filets de la balancelle. Les filets de pêche, c'est... Vous les tissez ? Ah ben nous, oui. Puis la patronne. Il n'y a pas de patronne. On fait qu'un tous les deux. Vous, c'est Monique. Oui, c'est Monique, oui. Et vous, c'est Pierrot. Oui. 54 ans de pêche professionnelle. J'avais 16 ans que j'ai commencé. Puis j'en ai 71 maintenant, on vient d'arrêter. Et vous avez toujours pêché sur le même... tronçon. Sur deux lots, oui, le 9 et le 10. Donc du pont d'Ancenis à Annet. Là, vous rentrez ? Là, voilà le filet barrage dans la jeunesse. À saumon et à l'ose. Et vous, Monique, aussi, vous pêchiez, je vous vois sur le bateau, oui. Là. Je menais le moteur. Je guidais le bateau. De façon que Pierrot puisse prendre ses nasses. Voilà, ce que je faisais, mais je suis une fille de pêcheur professionnel, puis je me suis mariée avec un pêcheur professionnel. Ça vous plaisait ? Ah oui. D'être à la barre ? Ah oui, bien sûr. Oui, d'être sur le bateau, puis de pêcher, c'était important. C'est notre vie, mais... Mais donc vous étiez tout le temps ensemble, tous les deux ? Ah oui, toujours, oui. Sauf pour la vente. La vente, je la faisais moi-même. Autrement, guider le bateau, il fallait toujours que je sois vraiment... Oui, faire très attention, quoi. Pour pas que le bateau s'en aille dans les filets, oui. Et puis, lorsqu'on était au Lamproie, eh bien, vous avez des cordes qui sont amarrées à terre. Lorsqu'on avait du vent, fallait vraiment bien guider le bateau de façon à ce que cette corde-là ne vienne pas dans l'hélice. Ah oui. Moi, ce que j'aimais pas, c'était le guidon. C'était trop dur. Ah, parce que c'était stressant. C'était stressant. Pierrot était stressé déjà avant de commencer. Pêche au guido, c'est que mon bateau qui est en chenille. Voilà. C'est ce qu'on appelle un guido. Un bateau, oui. C'est des bateaux hollandais. que là, c'est pour l'anguille d'Avalaison. La grosse anguille argentée, qui à partir du 1er octobre, donc c'est ouvert maintenant, elle descend pour aller en mer, dans la mer des Sargasses. C'est le retour vers la mer, par nuit noire et tempête et crue, quoi. C'est là qu'il faut être sur le bateau, quoi. On vivait sur le bateau pendant ce temps-là, la nuit. Puis lever le filet plusieurs fois dans la nuit, comme là, puis le secouer pour les feuilles. C'est un grand filet qui fait 29 mètres de long. Autrefois, les pêcheurs français ne pêchaient pas l'anguille d'Avalaison. Les pêcheurs hollandais, ils sont venus en 1930. Il y avait 6 familles de pêcheurs hollandais qui pêchaient sur la Meuse avec leurs bateaux. Mais un beau jour, là, ils se sont décrétés de faire un barrage sur la Meuse. Alors, de ce coup-là, la pêche devenait impossible parce qu'il y avait presque plus de courant. Alors donc, ils étaient désemparés. Alors, ils ont su, par intermédiaire, par des mareyeurs, des marchands d'anguilles, je sais pas quoi, que sur la Loire, il y avait beaucoup de civelles qui remontaient la Loire. Donc, et que l'anguille n'était pas exploitée par les pêcheurs français avec des guidos pour la pêche à l'anguille d'Avalaison. Ils sont venus voir la Loire, par le train. Ça, j'ai toujours entendu parler. Oh, ils sont venus, ben, l'eau, elle était basse. Ah ben, ils voyaient ça bien, avec les épis, tout ça, pour mettre un guidot. Bon, ben, ils avaient convenu qu'ils allaient descendre. Ils reviennent une autre fois. Ah ben, disons, l'eau, elle était débordée. Il y en avait comme... La Loire, quand elle est débordée, elle fait 5 km de large chez nous. Bon, ils ne comprenaient plus rien, mais enfin, ça faisait 9 mètres d'écart avec l'été, quoi. Alors, les voilà décidés à partir. Alors, ils ont été jusqu'à Paris, impeccable, par les canaux du Nord. À Paris, ils prennent le canal de Briard, direction la Loire. Ils éclusent en Loire, à Sully-sur-Loire. Ah, bah, disons, l'eau était basse. C'était dans l'hiver qu'ils étaient venus, ils sont repartis au mois de mai, je crois. Bon, ils ont fini par arriver? Puis ils ont, bah oui, parce que tous les bateaux, ils sont là. Puis il n'y a plus que le mien qui est sur l'eau. Et comment il s'appelle, ce bateau? Frédérica, la reine de Hollande. Les anciens, je sais qu'ils étaient pas contents de voir. Ils disaient, qui c'est ces pêcheurs-là qui viennent du nord, comme ça, de Hollande. Je parle comme ils parlaient, les pêcheurs, ils viennent baiser toutes nos anguilles, et puis nous, on va plus rien pêcher après, et puis voilà. Puis ma foi, ils ont vu que dans le guido, il y avait que des grosses anguilles comme ça. Alors, ils ont été aidés, les pêcheurs hollandais, parce qu'il fallait du personnel pour secouer les filets. Puis ils les embauchaient après à la pêche au saumon, au barrage. C'était arrangé quand même. Et vous y allez encore, Monique? Ah oui, là, au printemps, oui. Ça vous manque? Ah oui, j'espère qu'il va y avoir de la crue, puis on va y retourner. Mais aujourd'hui, je ne rame plus, c'est fini. Je me laisse guider. Je regarde. Les guerres, la couetrée, l'Istre, tout lourd, les tensors, le Valeron, la Molle, le fleuve ou rivière que j'ai le plus fréquenté, c'est la Loire. Mais dès que j'en vois une, là, je serais donjuanesque pour les rivières. Je suis prêt à tromper la Loire pour la Garonne même pour un garçon, le Rhône pour le Rhin, et puis toutes les autres rivières extrêmement... Oui, oui, là, je suis infidèle. J'ai jamais vu une rivière qui soit inintéressante, en fait. L'usage du fleuve. Le fleuve sauvage. Une émission de Martine Abbat, réalisée par Annabelle Brouard. Prise de son, Delphine Baudet, Laurent Macchetti. Mixage, Julien Douminc. Lecture, Laure Giappiconi. Merci aux photographes Dominique Drouet, à Sophie Berger, Benoît Boris et Inès Leroux. LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens, replay et podcast avant de larguer les amarres, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marie-Bonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Instagram. N'hésitez pas à nous laisser des messages. Demain, deuxième épisode, vivre au bord du fleuve. Mais tout de suite, on retrouve Nicolas Martin pour son été en Antarctique.